J'ai de l'espace. Les 16 et 17 février, la Maison de la littérature présente On trace. On est là à tracer la ligne. À tracer comme des fous sur la ligne de trace. À avancer là sur la ligne de trace. Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Ce soir, à l'aérospatiale, Daniel Barrow en performance au mois multi, un retour sur les spectacles d'Herman Colgan et du Bureau de la Paix, et Samuel Breton à Engramme. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caron en compagnie de Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, on a, à vrai dire, une dernière semaine qui a été marquée par la mise en branle du mois multi. Hein? On en a discuté avec Ariane Plante, commissaire de cet événement, justement, la semaine dernière. Et il faut dire aussi que on va vous en parler pendant les semaines à suivre, justement. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce soir, on a quelques sujets qui sont en lien par rapport à ce festival. Oui, tout à fait. Moi, je suis allée au lancement. Je voulais juste glisser un petit mot. Je suis allée au lancement du festival la semaine dernière. Et puis, toutes les allocutions ont rendu un hommage assez senti aux victimes de la tragédie de la Grande Mosquée. Excusez-moi. Tout en affirmant la pertinence de l'art pour alimenter le vivre ensemble, l'ouverture d'esprit notamment, qui ont été soulignées. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est important à souligner et avec lequel on est en accord, évidemment. Et ce soir, on va continuer à parler du mois multi, Audrey. Donc, on va recevoir en entrevue Abdelila Chigué, qui est copropriétaire et co-directeur de la Galerie 3, qui va nous parler de la performance de Daniel Barrow, le voleur des miroirs, qui va être présenté à la salle multi jeudi soir. Ensuite... Oui, on va revenir ensemble sur les spectacles d'Herman Colgan et du Bureau de la Paix qui ont été présentés la semaine dernière en ouverture du festival, en grande primeur, hein, faut le dire. C'est des nouveaux spectacles, spectacles-performances, je devrais davantage dire, aussi, donc qui nous étaient présentés. Mais on voulait quand même revenir ensemble, toi et moi, là-dessus, là, qui avons chacun vu ces spectacles. Un spectacle, oui. C'est ça, exactement. Donc, on va s'en jaser. Et sinon, deuxième demi-heure, qu'est-ce qui nous attend? On va accueillir en studio l'artiste Samuel Breton qui va parler avec nous de sa dernière création, Saint-Centre Sauveur du Rocher, qui est présentée pour une dernière semaine à Engramme. Et on va terminer avec notre traditionnel agenda de la semaine avec les nombreuses expositions et activités qu'il ne faut pas manquer cette semaine dans le domaine des arts visuels. Oui, il y en a beaucoup. Alors, restez à l'écoute. Donc, on vous laisse avec une petite pause audio. Donc, la sélection audio de la semaine de Simon Roy, c'est un album Kaleidoscopic Labels de List Volume 1, donc qui est une compilation de l'étiquette de musique web Kaleidoscopic qui est basée à Détroit, au Michigan. Donc le premier extrait est un extrait de l'artiste Commissave c'est un extrait de Squirt Catnip Trips, pardon. Alors, on débute l'émission avec Abdelila Chiguer. Bonsoir, Abdelila. Bonsoir, Audrey. Ça va bien? Très bien. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler de travail de Daniel Barrow. Ben oui, effectivement, un artiste que vous représentez à la Galerie 3 depuis un peu moins d'un an, là. Exactement. Bientôt, ou presque un an. Donc, un artiste qui est de renommée, hein, pan-canadienne, très bien connu, puis qui est aussi exposé à l'international. Donc, mais un artiste qu'on a moins vu à Québec, quand Tout même. Tout à fait, malgré qu'il est établi à Montréal depuis 2009, donc ça fait un petit bout. Il a choisi de vivre à Montréal. On a connu son travail à travers les performances qu'il a faites. Donc, Daniel fait de la performance, mais aussi il fait des œuvres, des sculptures, de la pastel surtout, des collages. Donc, un artiste multidisciplinaire vraiment. Avec un éventail très, très riche, là, comme tu le soulignes. Et puis, il a remporté en 2010 aussi le prix Sobey, notamment avec une performance aussi assez marquante qui, si ce n'était pas, je pense, le voleur du miroir. Tout à fait, ouais, qui va présenter actuellement au Mois Multi. Oui. Puis, juste pour revenir sur le prix Sobey, c'est le prix le plus important en art actuel pour des jeunes de moins de 40 ans. Donc, artiste canadienne, moins de 40 ans, oui. Exactement. Oui. Puis, Daniel Barrow, son travail est déjà dans la collection permanente du Musée des Beaux-Arts du Canada et Musée de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un travail reconnu à l'échelle nationale. On essaye de le faire connaître au Québec. Puis, on a une très bonne réponse, là aussi, des gens qui adorent ce travail-là. Oui, peut-être on peut justement discuter de son travail, de sa démarche artistique, parce que, comme on le disait, donc, un artiste multidisciplinaire qui touche à tout, mais vous avez présenté notamment dans les derniers temps, dans des expositions collectives, aussi son travail de dessin qui est magnifique, il faut le dire, là. Je vais préciser aussi ses dessins et collages, parce qu'on le dit à plusieurs, puis c'est vraiment à première vue, on ne le voit pas, mais c'est des collages, puis c'est des histoires qui oscillent entre le fantastique et le tragique. C'est des images fortes qui bouleversent, mais avec une douceur, avec une poésie que finalement laisse les gens dire waouh, c'est beau, alors que les scènes, ils sont des scènes tragiques. Oui. Donc, comme j'ai dit aussi, Daniel, si on veut revenir un peu sur la performance, mais c'est ça qui le caractérise, parce que il écrit, il illustre, il exécute lui-même des œuvres à travers des projections, des animations. Il y a un lien direct avec le début du cinéma, avec les lanternes magiques, quand on voit ses performances, mais aussi les illustrations qui ont un caractère ou une esthétique victorienne. Puis pour Daniel, c'est important, cette période-là dans son travail, parce que elle est plus expressive là, comme période, donc plus théâtrale aussi. Justement, ça donne très bien avec son esthétique dans ses dessins, je veux dire, dans ses animations aussi. Il y a quelque chose de très touchant, de très séduisant. On sent la maîtrise aussi de la technique également. Et moi, il y a une grande sensibilité là, qui transparaît au travers de son travail. Oui, tout à fait, avec des techniques anciennes qui maintenant rendent très, très actuelles. Oui, c'est ça. On se le disait tout à l'heure, avant de débuter l'émission, comment je soulignais qu'on le sent qu'il a tout un bagage aussi, qu'il est conscient de cette histoire de l'art aussi, hein, de cette maîtrise technique aussi d'une autre époque, là, par exemple Albrecht Dürer, où on sent son travail, par exemple, avec les dessins avec les mains, avec notamment, les mains. Là, ouais. Où on voit tous les détails qui sont accordés à la main et tout, cette époque où justement le dessin était la base de toute œuvre. On le sent qu'il maîtrise cette technique-là, mais qu'il connaît aussi, qu'il a tout ce bagage historique. Donc, il y a quelque chose à la fois d'ancien, mais dans un sujet très contemporain aussi, ouais, de façon très contemporaine. Puis pour parler des mains, Daniel Barrow, il fait très attention qu'on le salue. T'sais, il dit les gestes, le toucher de main dit beaucoup sur la personne. Puis je fais attention quand je le salue. Mm-hmm. Parce que, puis c'est le massage aussi des pieds, les mains, les pieds. Il dit mm-hmm. aussi comment on marche, ça dit beaucoup sur la personne. Donc on voit aussi le travail, mais aussi le propos, aussi les histoires qui sont intéressantes dans le travail de Daniel Barrow. Oui. Et puis, peut-être pour revenir un petit peu à la performance qu'il va présenter ce jeudi soir à 21h30 à la salle Multi. Ça s'appelle donc « Le voleur des miroirs ». Et tu me disais tout à l'heure que c'était inspiré d'une histoire vraie, là. D'un personnage qui s'appelle Kissin Bundy, puis qui était un personnage dans des sitcoms des années 60-70. Donc, c'est quelqu'un qui rentre chez des personnes, il vole, puis il laisse une fleur sur la personne. Puis c'est comme un signe, il a une signature, là, je veux dire, de cette personne. Mm-hmm. Donc, il s'est inspiré de cette histoire-là ou ce personnage-là pour créer un poème, je dirais, visuel qui parle d'amour, de pouvoir, de la richesse, de la tristesse aussi de ce personnage-là. Le personnage principal dans Le voleur du miroir est un clown mm-hmm. Qui est triste, puis il va chez un couple riche pour voler des bijoux, mais il les embrasse, puis il va devant le miroir, puis il laisse ses traces. La personne, quand elle se réveille le matin, elle est fâchée par le vol, mais touchée par ce personnage-là et par sa tristesse et par le geste aussi de la fleur aussi qui dépose sur elle. Donc, c'est ça un peu le récit. Daniel Barrow travaille avec plusieurs couches de dessins qui animent, plusieurs projecteurs aussi à la fois. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette performance à Québec. Et en français, il faut le souligner, Daniel Barrow est établi depuis 2009 à Montréal. Puis la première fois qu'il m'a parlé, en français, puis j'étais très, très content. Donc, Oui, c'est ça. Et puis peut-être juste vraiment spécifier aux gens. Donc oui, il raconte l'histoire tout en animant, mais on parle animation avec des rétroprojecteurs, donc avec des acétates. Des acétates. Tout donc il y a des... Encore là, on parlait tout à l'heure de multiples couches dans son travail. Mais là, c'est littéral aussi quand il anime ces images-là. Plusieurs images se superposent pour en créer finalement qu'une, mais on est encore dans la grande simplicité, comme tu l'évoquais justement tout à l'heure, qui évoque les débuts du cinéma ou ces choses-là. Donc, il y a ça aussi, je pense qu'on reste un peu surpris par la grande simplicité, mais en même temps, la complexité aussi. Encore là, on est dans les ouais. extrêmes, les deux pôles, simplicité versus complexité aussi. C'est intéressant, cette technique, cette façon d'animer les choses. Oui, puis maintenant, tu sais, on peut faire animation d'une façon aussi plus simple et beaucoup numérique, qui demande moins d'efforts, moins de techniciens. Je pense qu'il va être assisté par deux personnes, puis il peut le faire actuellement avec les nouvelles technologies, mais je pense une maîtrise, et c'est une mise en valeur de l'histoire de l'art, ce qu'il est en train de faire, et je pense qu'il est très, très unique. Son univers est très unique et sa maîtrise est très remarquable. Oui, et puis comme on se le disait tout à l'heure, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Quand on voit son travail, tant d'animation, mais aussi de dessin ou autre, ça vient nous chercher. Autant on peut être fasciné qu'on peut être révulsé aussi par les sujets dont il traite aussi. Non? Puis c'est ça son travail aussi. J'ai fait allusion tantôt. Il utilise beaucoup le miroir, les écrans, les fenêtres. Donc, tu sais, je pense devant les œuvres, on se voit. On voit quelque chose, il touche quelque chose en nous. C'est ça que je trouve intéressant dans son travail, là. Oui. Alors, c'est à voir ce jeudi soir, on le rappelle, à la salle multi de Méduse, bien sûr, à 21h30. C'est d'une durée d'environ une vingtaine de minutes, je pense. Une vingtaine de minutes, tout à fait. Parfait. Donc, Daniel Barrow, le voleur des miroirs. Eh bien, Adelina Chiguère, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et en même temps, on peut peut-être souligner aussi qu'il va y avoir une exposition de Daniel Barrow au mois de mars chez vous. Tout à fait. Donc, son premier solo à Québec. Donc, ça va être le 3 mars, le vernissage. J'invite premièrement tout le monde là d'aller voir sa performance parce que c'est ça qui caractérise le travail de Daniel Barrow, puis aussi les œuvres qu'on va avoir, l'expo qu'on va avoir. Donc il va y avoir des dessins, il va y avoir de la sculpture, il va y avoir aussi une projection. Donc découvrir cet univers de Daniel Barrow, je pense que c'est quelque chose de très important à faire en art actuel. Oui, donc c'est vraiment un beau préambule à ce qui va nous attendre au mois de mars. Donc à ne pas manquer. Encore un grand merci, Abdelila, et au plaisir. Un plaisir, merci. Voilà. Alors, nous, on va faire une courte pause audio. Cette fois-ci, c'est l'artiste Blackmore et le titre Da Funk, I'm Gonna Do That. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Gentiane, on voulait revenir sur deux spectacles, à vrai dire les spectacles d'ouverture du mois multi. Oui. Donc, on en a vu chacun une. C'était, comme on le disait en introduction, deux primeurs, donc deux spectacles présentés pour la première fois à l'occasion de ce festival. Moi, je suis allée voir Herman Colgan et sa nouvelle œuvre Impact. Et toi, tu es allé voir le bureau de l'APA, Entrée, nous sommes ouverts. Oui, c'est ça. Donc, une représentation qui durait environ une heure et demie dans la salle multi de Méduse. Une proposition à mi-chemin entre un spectacle de musique actuelle, musique concrète et le théâtre et la performance. C'était un spectacle assez confus, je dirais. Donc qui allait un peu dans tous les sens, mais c'était une confusion assumée, contrôlée. Donc pour comprendre un peu le principe de ce spectacle là, c'est que c'est une performance qui est construite autour de la connexion. Donc de la connexion qui peut être créée par des boutons, par des interrupteurs, par deux fils qui se touchent. Toutes sortes de pitons, finalement. Oui, toutes sortes de pitons, mais aussi toutes sortes de déclinaisons pour créer ces connexions-là. Donc, pour donner un exemple qui était assez amusant, assez humoristique et frappant, dans le spectacle, il y avait un moment où les performeurs, les performeuses prenaient des coupes de vin. Mm-hmm. Et il y avait deux fils qui entraient dans les coupes de vin, et en mettant du vin dans la coupe, la connexion se faisait, évidemment. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, il y avait un son qui était créé. Il faut dire que chacune des connexions produisait ou cessait un son, et qu'à chaque fois, il y avait également une image qui apparaissait sur un écran. Donc, une espèce de DJing. Hein. Il y avait l'univers du montage sonore et du montage visuel live. Donc, c'est cette connexion qui se faisait lorsque une personne buvait dans le verre. À cette occasion-là, il y avait des verres qui avaient été également distribués dans l'assistance. J'ai eu l'occasion d'en avoir un dans ma main. Donc, j'ai participé un petit peu au spectacle. Donc, on avait plusieurs personnages, si on veut, qui performaient, dont un personnage qui avait un rôle très particulier, Ludovic Fouquet, qui avait comme rôle de suer. Donc d'avoir chaud et de suer. Donc il était un peu en retrait, mais tout au long du spectacle, il enfilait des manteaux de fourrure et compagnie pour pouvoir suer le plus possible et recueillir sa sueur pour participer à faire avec sa sueur la connexion finale. Donc en fin de spectacle, on avait cette connexion finale là qui permettait de d'apporter une espèce de cohérence à toute cette confusion. Avec un message qui s'écrivait à l'écran à partir des différentes connexions qu'on avait découvertes tout au long du spectacle. Chaque connexion permettait de composer une lettre qui apparaissait à l'écran. Une espèce de phrase qui résumait un peu l'esprit du spectacle. Donc, le chemin de l'idée confuse à l'idée claire n'est pas fait d'idées. Mm-hmm. On peut deviner, si on l'interprète, que c'est fait de connexions, de toutes ces connexions, de toute cette confusion, de tout ce foisonnement de gestes qui sont posés, d'essais qui sont faits, de reculs, d'essais, d'erreurs. Donc, c'était quand même assez une expérience humaine, mécanique, une expérience électronique, musicale, visuelle, très, très complexe. J'en suis sortie un peu abasourdie, là, sans mots, mais on finit par réussir à faire un peu sens avec tout ça. C'est un sens qui n'est pas évidemment dirigé, on se l'approprie à sa façon. Et qu'en était-il pour toi de la performance d'Herman Colgan? Oui, ben comme je disais, ça s'intitulait Impact, ça laissait présager quelque chose d'assez fort, hein, quand on lisait le texte, parce que, comme on l'avait souligné avec Ariane Plante, c'est inspiré d'un incident qui est arrivé, un accident qui est arrivé à l'artiste. Donc dans le confort de sa maison, à un moment donné, il a reçu une barre de métal dans la tête, dans le crâne. Et puis, de là est venue la réflexion autour de la question de la violence, notamment. Et puis, quand on entrait dans la salle, bien, un écran nous attendait avec le titre, bien sûr, mais dans le fond, le projet voulait réfléchir à la proximité de la violence qu'il y a autour de nous. Puis, c'est un artiste qui réfléchit aussi à l'impact qu'a le territoire, mais tu sais, dans son sens large, aussi. Et bref, tout ça pour essayer de résumer grosso modo, parce que c'est davantage une performance plus qu'un spectacle, si je peux dire, parce qu'aussi l'artiste est là devant nous, et il est accompagné aussi d'un musicien qui était Fred Lebrasseur, qu'on connaît bien ici à Québec, multi-instrumentiste, mais là il était là pour, à vrai dire, pour drummer, donc jouer de la batterie là-dedans. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est Impact? Ben, c'était une cible qui était là, un peu comme si on veut, dans un stand de tir. Et l'artiste avait une espèce de mécanisme, de genre de... un peu comme quand on va jouer au tennis, là, puis qu'on se fait lancer la balle par une machine, un peu dans cet esprit-là, donc une espèce de fusil qui lance des balles. Et c'est l'artiste qui projetait, qui choisissait le moment où il allait frapper cette cible avec la balle, et la cible captait l'impact de ce choc justement créé là par la balle qui, il faut le rappeler, roulait à 250 km/h quand même, donc un impact mortel, mais c'était dans le fond l'impact diffusé sur l'écran sur un corps virtuel qui finalement allait un peu dans tous les sens. Le mouvement était ralenti, dans le fond, et c'est l'artiste qui contrôlait ce mouvement-là. Donc, un peu de cette violence dont sortait l'impact, là, en avait une grande légèreté. C'est tout l'inverse, hein, si on peut dire. On en avait parlé, l'espèce de paradoxe entre l'impact, mais aussi la légèreté, le côté un peu d'état de grâce aussi qui semblait y être. Et après ça aussi, il y avait donc des éléments que l'artiste contrôlait, donc avec ses petites tablettes électroniques et tous ces machins. Vous m'excuserez, je suis pas très experte là-dedans, mais enfin, il était là devant nous, donc pouvait contrôler un peu ce mouvement-là, l'accélérer ou le ralentir. Et on était dans une petite musique très de lévitation, un peu en quelque sorte. Et à un moment donné, il y avait deux dispositifs, deux capteurs à côté de lui, et d'un coup de bras, il partait une musique, et là venaient d'autres images. On n'était plus avec la cible, mais des images de manifestations, de répression, des gens avec des masques à gaz. Bref, vous voyez un petit peu le genre d'esthétique, si on peut dire. Et c'est en fait quelque chose de tout à fait spontané. Donc, une fois qu'il faisait son geste, ben il y avait un extrait musical qui partait sur un disque, dans le fond, qui était sur un disque dur, mais il ne savait pas quel extrait musical l'ordinateur allait choisir. Et c'est à ce moment-là que Frédéric Lebrasseur embarquait par-dessus, sans savoir qu'est-ce qu'il allait avoir, mais improvisait sur la musique aussi. Et on sentait l'énergie des deux artistes à ce moment-là. Puis souvent, c'était, bon, on parle des extraits de Björk, de Nine Inch Nails aussi, et avec des images tout à fait, justement, en lien avec, oui, la violence, la répression, quelque chose d'assez agressif. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est la force de, oui, l'énergie des deux artistes, mais aussi la force que cette musique avait sur nous, la force de l'impact lorsque la balle était projetée sur la cible. Enfin, bref, c'était une expérience pas que visuelle, mais à la fois auditive et sensorielle aussi, par l'impact de cette musique aussi, dans le ressenti, vraiment. Donc, c'était assez intéressant comme expérience à vivre. C'est sûr que j'y étais seule dans la salle aussi. C'était particulier, vu que j'étais la générale. Mais quand même, je suis sûre qu'avec le public, ça devait aussi avoir une présence, un impact, sans faire de mauvais jeu de mots, là, ici. Alors, voilà, donc, assez intéressant, je vous dirais. C'est intéressant parce qu'il y a des recoupements à faire dans les deux performances, de cette violence-là dont tu parles. Moi, ça me rappelle un peu les différents malaises qui ont été aussi générés dans ces performances, parce que c'est pas seulement des performances de connexion, mais il y avait aussi des malaises humains qui étaient expérimentés par le bureau de l'APA dans cette performance Entrée nous sommes ouverts. Fait que c'est intéressant de voir ces œuvres là qui inauguraient le mois multi, un mois multi qui est sur le thème du réenchantement, mais qui explore également son pendant. C'est ça, les deux pôles, les deux extrêmes. Ouais, donc, ouais, le désenchantement aussi. C'est ça, donc il travaille ce paradoxe-là si on veut qu'il y ait un réenchantement, il faut avoir vécu le désenchantement. Exact. Et puis Impact était un peu dans ces deux extrêmes-là aussi, effectivement. Donc on vous quitte pour une pause audio et on vous revient... Pour la pause publicitaire. Pour la pause publicitaire, pardon. Et on vous revient après la pause avec Samuel Breton en entrevue à propos de son exposition chez Engram. De toute façon, personne n'est pressé de couper le son. C-K-R-L. Quand, comment, pourquoi. Point QC. Il y avait là-dedans l'orgueil de celui qui a fait son chemin. Point CA. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radioton de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial pré-Radioton et le prix membre. Notre objectif? 42 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30 au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter ckrl.qc.ca. Particules sonores. Fragments du bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Alors, de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL et on poursuit notre couverture des expositions, mais aussi nos entretiens intimes avec des artistes qui exposent actuellement à Québec et on est en compagnie de Samuel Breton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Samuel, tu nous présentes à Engram ta plus récente création, ton petit bébé dernier, nouvellement né, une exposition, on pourrait dire, qui a plusieurs volets, donc Touche nous présente multiples facettes de ton travail. En effet. Et elle s'intitule donc Saint-Centre, sauveur du rocher. Et dans le fond, je voulais peut-être entamer cette discussion-là avec qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le centre du rocher. On sait que ça le fait la manchette quand même dans la dernière année, mais qu'est-ce qui t'a incité à faire à ce que ça en devienne le sujet de ton dernier projet? Oui, j'ai eu un contrat de médiation culturelle cet automne avec Spira, donc à Québec. Ils cherchaient un vidéaste d'animation pour faire un atelier avec des enfants en bas âge. Là, j'ai eu de 3 ans à 8 ans environ. Ah, quand même! Et la seule contrainte que j'avais une belle carte blanche, sauf un décor qui devait représenter Saint-Sauveur, d'où viennent les enfants. Okay. Je suis parti de cette contrainte-là. Bon, ben, j'étais allé, bien entendu, aller dessiner dans le quartier Saint-Sauveur. Mm-hmm. Et première chose que je dessine, le centre du rocher, que je considérais être le cœur architectural de Saint-Sauveur. Ensuite, j'apprends que, bon, ben, il va être démoli. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais je garde en tête que, ben, peut-être que le mouvement citoyen va réussir à faire changer les choses. Exact. Puis vraiment, moi, j'y crois pas trop que ça va être démoli parce que je considère vraiment que c'est vraiment le cœur du quartier. Mm-hmm. Je fais le projet avec les enfants, ça va bien, c'est plaisant. Il est terminé en fin novembre. Et finalement, j'ai la belle surprise de voir les pelles mécaniques en train de gratter le centre du rocher. J'étais mm-hmm. pas censé faire un projet chez Engram qui abordait le centre du rocher du tout. D'accord? Okay. C'était censé être un tout autre projet. Mais finalement, tu sais, des fois, là, les astres s'alignent. C'est ça, oui. Puis là, bon, ben, tu sais, je venais de terminer de faire un gros projet avec les enfants. Ça avait été vraiment plaisant. J'avais fait du Samuel Breton, mais à la place, que ça soit moi qui est à l'intérieur de mes pages de carnet de croquis, on sent, je sais, ben, pour ceux qui ont déjà vu des œuvres de moi, mm-hmm. Souvent je me mets en scène à l'intérieur de mes carnets de croquis dans mon dessin. Tel que au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, j'étais l'Esquimau de Sorel. Bon, mais là, dans ce cas-ci, c'était vraiment les enfants qui prenaient ma place. Mais sinon, ça ressemblait quand même à mon art. Je me suis demandé, est-ce que je pourrais partir de cette rencontre-là que j'ai eue avec les enfants, puis maintenant, m'éclater, mais faire du... C'est comme vraiment faire de la même manière que j'aborde mes sujets habituellement. Je prends un sujet qui est identitaire. Cette fois-ci, c'est le centre du Rocher. Et un quartier qui a une grosse identité québécoise aussi, là, qui est porteuse de plein d'identités. Exactement, oui, parce qu'on le sent très bien dans les sujets dont tu traites aussi, parce que oui, le centre du Rocher est au cœur, mais reste qu'il y a des figures bien connues dont tu traites aussi au travers, autour, tu sais, même sur le centre du Rocher qui est là. Exactement. Je fais des superpositions, là, je m'amuse en collage. Moi, je suis parti donc du centre du Rocher qui était un bel exemple d'art déco, qui avait son salon de quai, où il y a eu des rassemblements politiques, mais il y a eu aussi beaucoup de rassemblements autour du Carnaval de Québec. Mm-hmm. Entre autres, avec des bingos un peu. Fait que j'ai fait comme un peu une recherche dans les archives, puis... Tu es un artiste enquêteur, un peu, là. J'ai un côté de moi qui adore l'histoire, fait que j'ai pas de difficulté à aller fouiller là-dedans là, pour m'inspirer. Puis j'aime bien partir aussi d'une œuvre qui est soit cinématographique, soit littéraire. Et là, dans ce cas-ci, j'avais un très bel exemple littéraire à utiliser, mm-hmm. Roger Lemelin, avec mm-hmm. Les Bluffs, avec Au pied de la pente douce, oui, qui aborde, qui dépeint tellement bien le quartier Saint-Sauveur et la culture québécoise en général. C'est ça. Donc, j'ai puisé dans toutes sortes de sources là, pour m'inspirer. Oui. Puis dans l'exposition, il y a deux carnets qui sont exposés, donc des carnets de croquis, mais on voit aussi qu'à l'intérieur des carnets, il y a des estampes qui sont mélangées à ces croquis-là. Donc on voit un peu le résultat de ta recherche en archives. Donc on croise ces personnages-là, Alice Robbie, Raoul Jobin, les différentes œuvres de Roger Lemelin. On croise également des philosophes, des citations de différents auteurs. Comment tu réfléchis ce mélange-là de partir de données historiques, de personnages historiques et d'y aller avec des réflexions beaucoup plus abstraites? Comment est-ce que tu rassembles ça dans ton travail? Dans le cas du carnet de croquis, là, faut comprendre que ça, c'est un carnet qui s'échelonne sur à peu près 2 ans environ. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là, j'ai plein de projets d'art à l'intérieur. J'ai le géant de l'Anglo-Pulp, j'ai l'Esquimau de Sorel et maintenant mm-hmm. le centre du Rocher. Donc, c'est sûr que, tu sais, des fois, bon, ça fait un peu bizarre de voir le visage de Freud, puis plus tard, voir comme Mama Plouf, là, dans... Et Donald Trump. Et Donald aussi. Trump oui, aussi. Effectivement, oui, je me rappelle avoir vu ça. En effet. Bon, je me souviens plus, c'était quoi la question? Mais bon. Oui, ben en fait, de ces réflexions très abstraites et de ces personnages historiques qui ont vécu de façon très concrète, qui ont teinté de façon très très concrète l'identité du quartier. Donc, en fait, les carnets de croquis sont plus des journaux de bord qui, au fil des pensées, au fil des jours... Ils me permettent de créer une trace de mon parcours créatif. Mm-hmm. Puis, ça tombe bien parce que, étant donné que je suis un artiste aussi de l'estampe, dans ce cas-ci, plus de la sérigraphie, mm-hmm. J'utilise les dessins que je produis dans mes carnets de croquis pour ensuite les intégrer dans des œuvres photographiques mm-hmm. ou cinématographiques ou peu importe. Là. Mais moi, je voulais te poser la question ouais. parce que c'est pas la première fois que tu fais ça, de mettre en scène tes carnets de croquis dans tes mm-hmm. expositions. Oui. Mais on dit croquis, mais il y a plus. Là. Comme Jean-Charles me disait, il y a des réflexions, il y a des textes que tu écris. Puis pour moi, c'est un peu aussi audacieux. Tu sais, je veux dire, c'est pour l'artiste, là, si on regarde, c'est s'ouvrir, c'est se mettre à nu devant le visiteur, le spectateur, idées, de toutes ces idées. De les, tu sais, en même temps, je me dis, c'est, comme tu dis, tu jettes ça sur papier. Des fois, c'est spontané. J'imagine certaines de ces choses-là, d'autres qui sont plus réfléchies, mais je trouve ça quand même intéressant parce que certains artistes, au contraire, j'en ai dans ma tête, qui refuseraient littéralement de mettre en scène cet objet-là qui, moi, je le trouve, parce que à la base, c'est un excellent dessinateur, il faut le dire. Là, quand on regarde ça, c'est magnifique, mais c'est quand même se mettre à nu. Il faut avoir l'audace de le faire. Peux-tu expliquer ça un peu? je dois être un peu exhibitionniste, là, mais sinon, à part ça, pour moi, c'est important de donner des clés de compréhension aux spectateurs. J'aspire à aider le spectateur à comprendre ce qui se passe. Puis, ben, le carnet participe beaucoup à ça, à aider la lecture de l'œuvre qui est présente. Sans les carnets, il me manquerait clairement quelque chose de juste de suivre le parcours créatif là, que ouais, j'aborde. La même affaire avec les objets sont présents dans l'exposition. Il va y avoir comme un globe terrestre qui est en réalité une boule de quille. Il va y avoir comme une boule, une quille avec une tête de bonhomme carnaval. Oui. Puis il y a tous les objets. Là. Exact. Il y a le côté très dans cette proposition-là, mais je trouve que j'ai trouvé un propos très ethnologique aussi. Oui. Quand on le regarde, là, bon, on parle dans le communiqué d'une enquête poétique, là, ça se sent, mais quand même, c'est intéressant comment tout ça aussi se rassemble, là, justement, et puis je trouve ça intéressant que tu dises, dans le fond, que c'est de façon volontaire de donner ces clés de lecture-là, effectivement, parce que oui, on est capable de bien suivre tes réflexions au travers de tout ça. On va prendre une courte pause audio et on va continuer notre discussion avec Samuel Breton au retour de la pause. Donc, un extrait de You Just Need a Little Break, c'est à propos de l'artiste N-O-T-Y. Donc, de retour avec Samuel Breton à propos de son exposition « Saint-Centre, Sauveur du Rocher » présentée chez Engram. Samuel Breton, il y a dans l'exposition donc différentes projections, il y a des tondos, des estampes, des carnets de croquis dont on a parlé, mais il y a également de ces objets qui sont mis en scène sur des tablettes très particulières. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces différents objets, des tablettes tablette, de ce support-là que tu as choisi pour les mettre en scène. Oui, donc la tablette du haut est blanche avec un dessus de poêle, de poêle cuisinière, là, des poêles à bois traditionnels, là, comme il y a dans les chalets, mettons, puis la tablette du bas est noire. Moi, je présente les objets parce que c'est des œuvres en soi. Des fois, c'est des objets souvent qui ont participé à la création de l'œuvre qui est présente. La tête de bonhomme carnaval, qui était en réalité, est en plastique. Mm-hmm. Moi, je l'ai modifié. J'en ai fait un genre de semi-ready-made, là, mais à moitié, je l'ai modifié. J'ai mis la tête sur une quille de ben, sur une quille. Parce qu'il y avait un salon de quilles au centre Saint-Sauveur. Exactement. Mm-hmm. La même chose avec... Du rocher, pardon. Ouais, ouais. Puis, même chose avec la boule de quille qui devient un globe terrestre. C'est la boule, tu trouves, à être le premier objet que j'ai trouvé pour créer l'animation qui interagit avec le centre du rocher. Donc souvent, je me cherche des objets pour créer des animations, des vidéos d'animation. C'est une ceinture fléchée qui devient boule. Que je pensais au début que la boule de quille allait être présente dans cette animation-là, d'accord? J'ai commencé ma vidéo avec cette boule de quille-là, puis finalement, c'est la ceinture fléchée qui a vraiment pris comme un sens un peu plus grand que ce que je pensais à l'intérieur de cette animation-là. Oui, parce que là, dans l'animation, elle est boule de quille, elle devient trompette de carnaval, mais aussi elle devient... parce que je sais que tu as un intérêt aussi pour le côté religieux. Devient le Sacré-Cœur aussi, donc... Le côté religieux n'avait pas le choix de sortir dans le projet Saint-Centre Sauveur du Rocher. Pourquoi? Parce que le Centre du Rocher a été fondé par les Oblats et Saint-Sauveur a été fondé par les Oblats. Mm-hmm. D'accord? Oui. Donc, à partir de là, moi, j'avais pas le choix d'aborder qui étaient les Oblats. Mm-hmm. Ben, les Oblats auraient apporté dans la culture chrétienne québécoise une particularité qui serait autour du Sacré-Cœur. Il y avait des défilés du Sacré-Cœur dans le quartier Saint-Sauveur. Mm-hmm. Et donc, peut-être que les Oblats auraient apporté cette culture-là plus importante dans notre culture québécoise religieuse. Ben moi, je voulais un Sacré-Cœur. Sauf que le Sacré-Cœur est toujours collé après la figure de Jésus. Puis, il y a une limite à avoir du religieux là, dans une exposition. Là. Moi, personnellement, je voulais le Sacré-Cœur, pas nécessairement le Jésus. Mm-hmm. Fait que je suis parti avec la ceinture la ceinture fléchée qui représentait pour moi le carnaval, mais aussi comme l'ancien Canadien français. Oui, c'est ça, la fameuse image du patriote avec son manteau de fourrure puis sa ceinture fléchée. Là, On la voit partout dans notre identitaire. Et donc, je suis parti de cette ceinture fléchée-là. Sur le coup, oui, j'avais en tête de peut-être la transformer en trompette du carnaval. Mm-hmm. Mais une fois roulé, je me suis rendu compte que peut-être qu'il pourrait y avoir un feu qui sortirait de ça. Mm-hmm. Oh, peut-être qu'il pourrait y apparaître un cœur. Puis finalement, j'ai réussi à faire apparaître le Sacré-Cœur, qui était l'objet que je voulais utiliser pour représenter les Oblats et donc leur rapport à notre... Au religieux. À Saint-Sauveur, au centre du rocher. Mm-hmm. Intéressant, ça. Oui, tout un travail. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que ton exposition traite beaucoup du processus de création. Oui. Un processus dans lequel il y a ce travail d'expérimentation avec la matière, un processus de recherche aussi. Et c'est un travail qui est présenté chez Engram. C'est un travail donc qui va également mettre les médiums de l'estampe, j'ai le goût de dire, mais plus particulièrement la sérigraphie. Oui. Donc, comment t'as traité la sérigraphie dans le cadre de ce projet-là? Souvent, mes projets sont à la base en vidéo d'animation et ensuite, il y a comme le volet image fixe que j'appelle, qui se trouve être des rencontres de collage entre l'image photographique et mes dessins. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, j'ai modifié une photo j'ai pris deux photos, deux références du centre du Rocher, une ancienne carte postale, une ancienne photo noir et blanc, des photos qui étaient en soi pas complètes, puis je les ai adaptées pour... avec un ciel qui est en réalité la boule de quille. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est tous des détails que si on porte très attention, peut-être qu'on peut voir, mais sinon ça donne comme des sérigraphies rondes qui représentent, encore une fois, oui, le rapport à la boule de quai, mais sinon c'est aussi la planète Terre, parce que... Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est une genre de planète Terre dans l'expo. La fameuse projection. Exactement. Moi, j'y ai pas nécessairement vu. C'était intéressant que tu t'as parlé de quilles, parce que moi, c'est ça, j'y voyais le globe terrestre. Exactement. Puis, est-ce que... moi, je l'ai vu de jour, l'exposition, mais je pense qu'on peut peut la voir de soir, là, sur la pointe là, oui. de la vitrine. Moi, je suis allée à l'heure bleue, là, on s'est croisés brièvement, et puis il y avait vraiment... Il y avait quelque chose qui se passait, puisque la boule de quille est de ces teintes bleues et blanches, et la lumière à l'extérieur faisait un rappel de ces teintes-là. Il y avait vraiment quelque chose de très beau avec la neige à l'extérieur, là, qui venait créer un décor. Mm-hmm. Là. Il y avait vraiment quelque chose de très beau qui se passait. Donc, il y a un travail sur la répétition du motif, hein, deux cartes postales-là. On le voit se répéter, la répétition, la superposition. Donc, on est quasiment dans une espèce de travail d'archéologie, parce qu'on parle de recherche historique, on parle d'ethnologie, mais quelque chose de l'archéologie aussi, d'aller chercher, d'aller fouiller les différentes couches d'histoire. Donc, c'est différents personnages qui apparaissent sur ces répétitions de tondo. Donc, il y a des personnages qui ont été importants pour le quartier. Comment t'as choisi ces personnages-là qui apparaissent sur les tondos? C'est des personnages qui sont quand même imposés d'eux-mêmes. Mm-hmm. C'est sûr que Roger Lemelin, avec sa présence... Lui m'en a imposé avec les ploufs, si on veut. Oui. Mm-hmm. Mais sinon, Raoul Jobin, donc la rue qui s'appelait à l'époque Sainte-Thérèse, qui était la rue du Carnaval, qui est devenue Raoul Jobin. Mm-hmm. Moi, j'avais aucune idée qui était Raoul Jobin. Oui. Jusqu'à temps que je cherche les livres de Roger Lemelin, puis que je demande au libraire d'une librairie de livres usagés sur Saint-Joseph, « T'as pas un livre sur Saint-Sauveur? » Puis il dit, « Ben, j'ai un livre sur Raoul Jobin. » Oui. C'est qui, lui? Un grand ténor international. Exact. Je fais, « Non. » Ben, pour vous donner une idée comment mes liens peuvent se créer sans que je m'en rende compte, là, si on veut, là, pour finir presque là-dessus, c'est... Ben, Raoul Jobin, finalement, a probablement été une grande inspiration pour Roger Lemelin, son personnage d'Ovide Lesplouf, qui rêve de devenir chanteur d'opéra. Pourquoi il rêve de devenir chanteur d'opéra? Ben, possiblement parce qu'il y a eu un Raoul Jobin dans ce fameux quartier-là. Mais bref. Oui. Et son père, qui était aussi, je suis allée lire un petit peu aussi sur Raoul Jobin, qui était un ténor aussi. Exactement. Donc voilà. Puis on pense aussi à Alice Robbie. Il y avait aussi un livre sur les Rougeaux, là, la lutte et tout. Donc bref, à découvrir, il faut le dire, cette exposition-là. Puis jusqu'à dimanche. Puis qu'est-ce qui est intéressant chez Engram? Ben, à la limite, vous passez hors des heures d'ouverture. Il y en a quand même un petit bout que vous pouvez attraper de par les vitrines à l'extérieur. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on vous laisse pour une petite pause audio avec un extrait de Parlaying at Gigi's de Lenoim. Pardon. Pause audio. Thank you. Et on achève l'émission, Gentiane. Et comme à l'habitude, on fait notre agenda de la semaine qui est très chargé. Alors, je te laisse entamer le tout. Oui, donc dès ce soir à 20h au Cercle, il va y avoir un concert de musique électronique, l'Hymne, qui est un projet de Jeremy Gara, qui est un membre d'Arcade Fire, qui a invité l'artiste Nelièvre Ajotte à projeter une création vidéo pendant sa performance. Demain, le 8 février, à 16h30, à la Galerie des arts visuels, il va y avoir une rencontre avec Chantal Neveu, qui va discuter avec Lisanne Nadeau, la directrice de la galerie, et ça va être suivi d'une lecture-performance du texte par l'auteur. Et de 19h à 23h, demain encore, au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec, il va y avoir les performances du Bouillon d'art multi, donc qui se sont préparées devant public en fin de semaine, donc des performances qui sont une collaboration entre les étudiants en théâtre à l'Université Laval, de l'École de danse de Québec, de l'École de cirque de Québec et des conservatoires de musique d'art dramatique et de musique et d'art dramatique de Québec, pardon. Donc l'entrée est libre de 7 à 11 heures ce soir. Jeudi, il va y avoir Daniel Barrow, dont on a parlé tout à l'heure, qui va présenter sa performance à 21h30 à la salle multi. C'est une entrée libre. Et également, dans le cadre du mois multi, il va y avoir le projet Eva. Nous sommes les fils et filles de l'électricité qui vont être présentés 3 soirs et 3 fois par soir, donc jeudi, vendredi et samedi à 17h30, 19h et 20h30 au studio d'essai. Donc c'est une expérience participative où les spectateurs se font donner des instructions pour interagir ensemble. L'entrée est de seulement 8$. Et du côté de la salle multi, les 9 février et 10 février, il va y avoir Abs Hume, Immensity of the Territory volume 3 en primeur, donc dès 20h, un spectacle avec de la musique live qui va s'ajouter aux sons et aux images qui rendent compte du parcours de ce collectif d'artistes qui ont fait Seattle, Québec l'an dernier. Vendredi, Écosystème numérique de Michael Lafontaine et Herman Colgan qui ont monté ce projet-là avec les étudiants du secondaire de l'école Marcel Mallette, et ensuite à 19h30 au studio d'essai, vendredi toujours, le spectacle d'Esquad Musique Nouvelle. Et en fin de semaine, samedi à la salle multi, c'est le cabaret Sauvage à partir de 20h. Samedi et dimanche, au Musée national des beaux-arts, il va y avoir 2 représentations par jour pour le spectacle de Laurent Bigot, Le Petit Cirque, donc une performance sonore théâtre d'objets. Et enfin, lundi prochain, va débuter l'exposition d'Annie-France Leclerc, Manœuvre du souvenir et de l'oubli à Espace Parenthèse. Oui, et on rappelle très rapidement, c'est la dernière semaine pour voir donc les expositions d'Emmanuel Léonard et Investigation à vue, Samuel Breton à Engramme, Dan Bro à la Galerie 3 et Nathalie Bugeaud et Alexandre Bérubé à l'Œil de Poisson. Ben c'est comme ça qu'on termine l'émission. Il faut déjà laisser la place à Pierre Blais et son équipe de Situation Critique. On remercie nos invités Abdelila Chiguer ainsi que Samuel Breton, Jacques Gignac, le virtuose de la mise en onde, qui est toujours là à chaque semaine. Et on vous rappelle, la semaine prochaine, Andréane Lesage va nous parler du roman L'art de la joie, qui a inspiré le thème de Manif d'art 8 qui va commencer sous peu. Et on va recevoir aussi les commissaires de l'exposition Monstrum Infronte, présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Demeurez à l'écoute avec Pierre Blais de l'autre côté de la pause, l'émission Situation Critique. Alors, on se dit à la semaine prochaine! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. La 30e Bourse Rideau, le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, a lieu cette semaine à Québec. D'abord réservé aux professionnels du spectacle, l'événement vous ouvre ses portes pour certains spectacles gratuits du dimanche au mercredi dans plusieurs salles, dont le Cercle, en fin de soirée dès 23h. Vous pourrez y voir et entendre des groupes tels Les Requins, The Brooks, Heat, Chocolat, Gasoline, Les Deluxe et plusieurs autres. Réservez vos places dès maintenant en vous rendant à la billetterie du Cercle ou sur pointdevente.com. Consultez le site de la 30e Bourse Rideau à rideau-inc.com, section Entrée libre pour l'horaire détaillé. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec.